Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 59. Des rapports des vertus morales avec les passions. La vertu morale n'est pas une passion, mais elle peut exister avec les passions, et en particulier avec la tristesse. Pourquoi la justice se distingue des autres vertus morales? Point de vertu morale sans passion. 1. La vertu morale est-elle une passion? La vertu morale n'est pas un mouvement de l'appétit sensitif, elle est, au contraire, comme habitude, le principe de ce mouvement. La vertu ne se rapporte qu'au bien, et la passion, par sa nature, n'étant ni bonne ni mauvaise, tant au bien ou au mal. La vertu morale n'est donc pas une passion. 2. La vertu morale peut-elle exister avec les passions? Les stoïciens disaient que les passions de l'âme ne se trouvent point dans un homme sage. Les péripatéticiens, dont Aristote est le chef, soutenaient, au contraire, que, soumises à la règle de la raison, elles peuvent exister avec la vertu. Cette controverse ne portait au fond que sur les mots, puisque les uns et les autres ne donnaient pas la même définition des passions. Les stoïciens entendaient par là les affections désordonnées de l'âme, et ils avaient raison de les condamner. Les péripatéticiens entendaient par le même mot tous les mouvements de l'appétit sensitif, et ils devaient pareillement approuver les passions qui sont réglées par la raison. Pour nous, nous disons que la vertu morale n'exclut point les passions, et nous aimons à citer ce passage de saint Augustin, « Tout dépend ici de la volonté, si elle est perverse, les passions le sont aussi, si elle est droite, les passions sont irréprochables et dignes d'éloge. » Note. La vertu n'est ni l'impassibilité ni l'insensibilité. Les passions favorisent l'exécution des ordres de la raison, lorsque, commandées par la raison elle-même, elles en suivent le jugement. La vertu, disait le philosophe, n'est pas impassible. Fin de la note. 3. La vertu morale peut-elle exister avec la tristesse? Le Christ, qui avait la vertu la plus parfaite, eut cependant de la tristesse, puisqu'il s'écria, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Matthieu 26, 38. La tristesse est donc compatible avec la vertu. Voici le raisonnement des stoïciens, la tristesse provient toujours de quelque mal, or, aucun mal ne saurait atteindre le sage. La vertu est son unique bien. Tous les maux matériels sont nuls à ses yeux. Le péché seul est un mal, mais le péché n'est pas dans l'homme vertueux. De quoi donc le sage pourrait-il s'attrister? Il ne considérait pas que, l'homme étant composé d'une âme et d'un corps, ce qui est utile à la conservation du corps est un certain bien, et que le mal opposé, se rencontrant dans le sage, peut lui causer une tristesse modérée. De plus, il supposait que l'homme vertueux est sans péché, et c'est là une erreur, qu'il n'ait point de péché grave à se reprocher, soit. Mais aucun homme ne passe sa vie sans quelque faute, ainsi que le marquent ces paroles de saint Jean. 1er Épître 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons illusion. L'homme vertueux, n'eût-il sur la conscience aucun péché récent, en a peut-être commis naguère, juste sujet d'affliction, suivant cette parole de saint Paul, 2 Corinthiens 8, 10, la tristesse qui est selon Dieu, opère pour le salut une pénitence durable. Enfin, le sage peut raisonnablement s'attrister des péchés d'un autre homme. Mais, reprenaient les stoïciens, il est contraire à la raison que le mal ébranle le courage d'un homme vertueux jusqu'au point de l'attrister. Cette objection n'est pas plus fondée que la précédente. Nous venons de voir qu'il existe pour le juste un certain mal que la raison réprouve, que fait l'appétit sensitif quand il s'en attriste modérément. Il suit le mouvement de répulsion qu'éprouve la raison. Qu'est-ce que cette conformité de l'appétit sensitif avec la raison, sinon un acte de vertu? Le sage, en s'attristant avec modération des choses dont il doit s'attrister, fait donc un acte de vertu. Ajoutons que la tristesse est souvent utile pour porter à la fuite du mal. Comme la joie nous anime à la poursuite du bien, ainsi la douleur nous fait repousser le mal avec plus de vigilance et d'énergie. La conclusion qu'il faut tirer de tout cela, c'est qu'une tristesse modérée au sujet des choses qui répugnent à la raison est une habitude compatible avec la vertu morale. 4. Toute vertu morale concerne-t-elle la direction des passions? La justice, qui est une vertu morale, dit très bien le philosophe, ne s'applique pas à diriger les passions. La vertu morale embrasse tout ce qui tombe sous le domaine de la raison. Or, la raison ne règle pas seulement les passions de l'appétit sensitif, elle dirige aussi les actions de la volonté, qui ne renferme aucune passion. Les vertus morales n'ont donc pas toutes pour objet les passions de l'âme. Plusieurs concernent les opérations. 5. La vertu morale peut-elle exister sans passion? On dirait, à la première inspection, que la vertu peut se soutenir sans passion, mais un examen plus sérieux démontre que l'homme fait le bien avec passion, comme il le fait avec son corps. Si par passion nous devions nécessairement entendre les affections déréglées, il serait clair que la vertu peut et doit exister sans elle. Mais si nous avons raison d'entendre par cette expression tous les mouvements de l'appétit sensitif, il est évident que les vertus morales, qui ont pour objet de les régler, existent avec eux. Il n'est pas de la vertu de paralyser l'appétit sensitif, pas plus qu'il ne lui appartient de priver de son acte propre aucune faculté soumise à la raison. La vertu doit vouloir, au contraire, que toute faculté en exécute les ordres, comme elle détermine les membres du corps aux actes externes qui leur sont propres, elle dispose, de même, l'appétit sensitif à ses mouvements légitimes. Quant aux vertus qui règlent les opérations de la volonté, elles existent quelquefois sans passion. Telle est la justice. Cependant, la justice elle-même, dans l'accomplissement de ses actes, nous fait éprouver une impression agréable qui se répand sur la partie sensitive de notre âme, et qui, de proche en proche, porte la joie et le bonheur dans tout notre être, à mesure que notre justice devient plus parfaite. Note. Surmonter les passions désordonnées, produire les passions modérées, voilà la vertu. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.